Je ne sais que te dire. J'y pense parfois, l'effroi. Les polis disent incommensurable. Moi, je préfère irréfragable. Et puis, je pense que je suis fier. On désigne ça, je crois, virage. Mais moi, je t'appelle mirage. J'ai beau, j'ai chaud, j'ai nuage. Je ne sais que te dire. J'y pense parfois, j'ai froid. Je crains d'être dépassé, alors qu'on me dit c'est pas assez. Et puis je danse, car je suis rêve. Hors de nous trois, c'est sans partage. Sa peau, sa voix reflètent ton visage. Je ne sais que te dire. Tu seras le plus beau dans mes bras. Il ne sait que te dire, il y pense parfois l'effroi. Les polis disent incommensurable. Lui, il préfère irréfragable. Et puis, il pense qu'il est fier. On désigne ça, il croit, virage. Et lui, il t'appelle mirage. Il a beau, il a chaud, il a nuage. Il a froid, il craint d'être dépassé, alors qu'on lui dit c'est pas assez. Et puis il danse, car il rêve. Hors de nous trois, c'est sans partage. Ma peau, ma voix reflètent ton visage. Il ne sait que te dire. Tu seras le plus beau dans ses bras.